Merci pour cette émission sur Olive et Tom. C'est toute mon enfance qui est revenue. C'était trop génial avec les matchs de foot qui duraient 4 jours. Oh, c'était incroyable. Et surtout, ouais, Fred, t'as raison. Bien sûr que le meilleur personnage de la série, c'est le commentateur. Merci beaucoup. Olive et Tom, ils sont toujours en forme. Tom, Olivier, sont super entraînés. Tom, Olivier, ils sont venus pour gagner. Ouais, salut Frédéric, c'est Nico de Montpellier. Je viens d'écouter l'émission là sur Capitaine Tsubasa. Je voulais juste te dire que tous les supporters de foot ne sont pas racistes, homophobes ou xénophobes. Voilà, comme tu penses, je crois. Parce que tu l'as répété 3 fois dans ton émission. Bon, sinon, c'était une super émission. Gros bisous. Olivier Tom fait partie des mangas qui ont percé ma jeunesse. J'avais 6 ans en 88 quand c'est sorti. Et j'avais beau être danseuse classique, combien de fois je me suis cassé la gueule en essayant de faire le retourné acrobatique avec la jambe. Bref, salut Blockbuster, à bientôt. Bonjour Laura, prof d'anglais. Chaque année au collège, on va apprendre le mot « dirty ». Et du coup, on s'aperçoit qu'effectivement, Dirty Dancing est un blockbuster puisqu'on se retrouve avec des élèves qui font « Ah, mais comme dans Dirty Dancing !» Là, je vous laisse bien sûr apprécier le moment où on doit expliquer aux élèves pourquoi « Dirty Dancing ». Ils sont en sixième, quoi. Not to be. Il y a des films dont on ne s'explique pas le succès. Flashdance, par exemple. Je vais pas vous mentir, je trouve Jennifer Beals charmante, mais enfin tout de même. Sidérurgiste la journée, danseuse en juste corps la nuit, c'est quand même un postulat de départ un peu fragile pour un film. L'audition de fin, ça ressemble plus à un cours de crossfit qu'à un numéro de danseuse étoile. Et pourtant, c'est culte. Chérie, j'y rétrécis les gosses. Alors ok, ça peut arriver une fois, je suis père de famille, les accidents, le bébé qui tombe de la table allongée, que tu rattrapes avec le pied, tu les rétrécis, tout ça, ça arrive. Mais une fois ! Ils en ont fait 3 ! Qui sont ces parents qui rétrécissent leurs gosses, agrandissent le bébé et ont toujours la garde ? Maman, j'ai raté l'avion ! Le petit Kevin, qu'ils ont oublié à la maison 2 Noël de suite ! Au bout d'un moment, il va se rendre compte qu'il n'était pas désiré. La soupe aux choux. Le scénario, c'est tout de même 2 paysans qui font un concours de paix dans leur jardin et ça attire un extraterrestre avec la tête de Jacques Villeray. Quand ça va pas dans vos vies, n'oubliez jamais que René Fallet a écrit ce roman et qu'il a ensuite été adapté en film. Sky is the limit. Et pourtant, c'est culte. Dirty Dancing. C'est bébé qui va dans un club mettre 3 tridents avec sa famille et qui tombe amoureuse d'un géodance. Et pourtant, c'est culte. France Inter. Blockbuster. Juste ici, ça va. Frédéric Sigrist. C'était le plein été en 1963. Tout le monde à cette époque m'appelait bébé et ça m'amusait. C'était avant l'assassinat du président Kennedy, avant l'avènement des Beatles. J'étais une fan du mouvement pour la paix et mon père était l'homme le plus formidable du monde. Nous allions passer les vacances à la pension Kellerman. En 1987 sort sur les écrans Dirty Dancing, un film à tout petit budget avec un casting quasiment d'inconnus, réalisé par un débutant. Film qui raconte une histoire d'une simplicité confondante. Baby, une jeune fille idéaliste, part en vacances dans un club de vacances huppé dans l'Amérique des années 60 et rencontre Johnny, beau gosse danseur de talent, porte-drapeau d'une classe sociale autre que la sienne. Ce qui fut un succès à sa sortie est depuis devenu un véritable film culte qui cache derrière son apparente simplicité un vrai discours social et féministe. Et pour revenir sur ce film, j'ai avec moi Marion Miclet. Bonjour. Bonsoir. Bonjour. On peut dire bonjour, bonsoir, on dit ce qu'on veut. Vous êtes critique de films et de séries pour Le Point Pop et auteur des livres Découvrir New York en série et Découvrir Londres en série parus aux éditions Huggin et Munin. Tout à fait. Avec nous également Pauline Mallet. Bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste et critique de cinéma et vous êtes au comité de sélection de la semaine de la critique à Cannes et animatrice du podcast Sorociné. Tout Tout à fait. Enfin avec nous, Natacha Campana, bonjour. Bonjour Frédéric. Vous êtes la fondatrice de l'écran pop, vous organisez des soirées cinéma, karaoké et vous allez faire une soirée Dirty Dancing à Lyon le 11 septembre prochain au Pâté et Bellecourt et une soirée sur les Demoiselles de Rochefort au Grand Rex le 18 septembre. Exactement, il y en a plein. Et... on va voir ça. Ensemble, on va revenir sur la création de Dirty Dancing, qui tient tout de même du film Miraculé. On parlera de ce duo de femmes productrices et scénaristes au caractère bien trempé qui n'ont rien lâché pour obtenir le long métrage qu'elles voulaient. On ne pourra évidemment pas faire l'impasse sur ce couple légendaire incarné à l'écran par le regretté Patrick Swayze et Jennifer Grey. Une alchimie à l'écran qui n'avait rien à voir avec leur rapport dans la vraie vie, on le verra. Hein. On parlera danse et musique et on essaiera de comprendre pourquoi quelquefois les petites histoires font les grands succès. Et j'espère vraiment qu'à la fin de ce blockbuster, vous pourrez dire « Oh, I had the time of my life ». C'est pas sur le premier temps, rien à voir avec le mambo. C'est un feeling, un battement de cœur. Cocon, cocon, cocon. Non, fais pas trop fort. Cocon, cocon, ferme les yeux. C'était un extrait du film Dirty Dancing réalisé par Émile Ardolino et vous venez d'entendre Richard Darbois et Virginie Ledieu qui doublent respectivement Patrick Swayze et Jennifer Grey parce que le contraire aurait été bizarre. Alors évidemment Richard Darbois qui double Buzz l'éclair et Virginie Ledieu qui double aussi Athéna dans Les Chevaliers du Zodiac, ce qui donne une drôle de sensation, Buzz l'éclair qui essaie de choper Athéna, enfin bref. Marion Miclet, comment est né le projet Dirty Dancing ? C'est exactement ce que vous avez dit Frédéric, c'est une histoire de persévérance. À l'origine de Dirty Dancing, il y a un duo de femmes. La première, c'est Eleanor Bergstein, qui est la scénariste et qui en fait a envie de raconter son enfance. Elle allait aussi en camp d'été avec ses parents dans les Catskills, dans l'État de New York. Et elle a vraiment une nostalgie pour cette époque de l'Amérique un peu innocente, comme on l'a entendu dans l'extrait, dans le film « On est dans les années 60 », avant la mort du président Kennedy. Et quand elle était adolescente dans les années 50, elle était aussi reine du dance floor. À la fois les danses de salon et en même temps le dirty dancing, cette danse sensuelle, lascive. Je ne sais pas quelle serait la traduction idéale. Mais... alors les Québécois ont appelé ça danse lascive. Lascive, on va rester là-dessus. En fait, pour les auditeurs qui voudraient vraiment être un schéma plus précis, c'est comme si on faisait un câlin mais habillé. Exactement. Voilà, c'est à peu près ça. Voilà, et c'est d'ailleurs, le film commence par ça. La caméra est vraiment posée, donc déjà dès l'entrée du film, on voit ce que c'est. Et donc, elle avait un peu cette nostalgie pour cette époque de sa vie. Et elle a aussi écrit un film avec Michael Douglas où elle avait écrit une scène spécifique de Dirty Dancing qui a été coupée au montage. Donc là, l'idée, c'était de faire un film tellement centré sur la danse qu'elle pourrait pas trouver. Oui, c'est-à-dire qu'on passait directement à la scène de sexe et il n'y avait pas cette... Ce préliminaire par la danse. Effectivement. Donc elle a inventé un film où elle ne pouvait pas couper. Voilà, bon, l'idée était encore un peu floue, mais elle en parle à la deuxième femme derrière le projet Dirty Dancing, qui est une amie à elle et qui est aussi productrice chez MGM, qui s'appelle Linda Gottlieb, et qui flash sur le titre. Elle dit Dirty Dancing, c'est génial. Et puis elle aimait beaucoup aussi cette histoire de coming of age story, donc récit d'apprentissage. Du point de vue féminin, c'est vrai qu'on est dans les années 80 avec... en fait, l'ère du blockbuster original, ces films d'action, beaucoup de testostérone. Les Crocodiles Dundee, voilà, Top donc, Gun. Là, l'idée, c'est de raconter cette histoire de femme. Donc, pas de chance, il y a un changement de management chez MGM, qui est pourtant un studio spécialisé dans la comédie musicale. Donc, les deux femmes, Eleanor et Linda, vont pitcher Dirty Dancing partout. Elles ont constamment des noms. On leur dit, mais c'est quoi ce titre? Est-ce que c'est un film porno? Enfin, ça passe pas très bien. Et finalement, en fait, le scénario atterrit sur le bureau d'une société de distribution de cassettes vidéo. Oui, donc on est dans les années 80, qui voudrait faire du contenu original. On pense un peu en fait au modèle Netflix ou. Mais en VHS. Voilà, exactement cette idée de capter des abonnés en faisant de la production originaliste. Bah, c'est une histoire qui nous plaît. Allons-y. Et comme vous le disiez Frédéric, petit budget, seulement 5 millions de dollars. Et puis peut-être qu'on peut parler du casting, effectivement. Bon, on va en parler. Pauline Mallet, un résumé de Dirty Dancing pour les trois personnes du fond qui n'aurait jamais vu ce film, ça donnerait quoi ? Bah, ça donne bébé, qui s'appelle Francis d'ailleurs, qui est le prénom de la sœur de la scénariste, qui part en vacances avec ses parents, donc un peu la loose hein, à 17 ans. Et, qui mais elle va... aime beaucoup son papa. Elle aime énormément son papa et elle se retrouve donc dans ce camp avec plein d'autres jeunes et elle tombe follement amoureuse d'un danseur qui donne des cours de danse qui s'appelle Johnny. Et de là va naître un amour assez sensuel et beaucoup de danse, évidemment. Alors, Natasha Campana, que représente Dirty Dancing dans la galaxie pop culture ? Parce que là, vous avez organisé une projection karaoké de Dirty Dancing. Donc, j'imagine que c'est que les gens étaient demandeurs. Allez, les gens sont demandeurs. Je pense qu'effectivement, l'importance de Dirty Dancing dans la pop culture n'est plus à démontrer. D'ailleurs, on le voit pendant les soirées de l'écran pop. Effectivement, il y a une sorte d'hystérie assez globale hein, qui se sent. Beaucoup de femmes, hein, quand même. Ce sont beaucoup 90% de alors, filles. Je tiens quand même à dire que Dedo, voilà, parce que c'est justement oui. La question, aurait dû être là parce qu'il a fait une reprise de Dirty Dancing avec le groupe Princess Leia. Et c'est parce qu'il est en train d'enregistrer l'album. Voilà, enfin, il mène sa vie. C'est pour ça qu'il n'a pas pu être là. Mais il y aurait pu aussi avoir un homme autour de la table, mais ils sont pas fiables. Ils sont pas fiables. Ah oui, il y a la réalisatrice qui me dit bah y a toi, mais en fait je m'oublie complètement pour vous auditeurs et auditrices. Donc excusez-moi, on reprend Natacha. Donc oui, effectivement, donc c'est un pan entier de la pop culture. C'est un pan entier de la pop culture et puis je pense un film tellement important pour beaucoup d'entre nous parce que enfin parce qu'il y a plein de raisons donc je sais pas si je me lance dans les raisons de mais lancez-vous. Et ben allons-y. Alors déjà c'est un film musical hein, sinon je serais pas là pour en parler, donc c'est vrai que la musique dans Dirty Dancing c'est super important. D'ailleurs la bande originale de Dirty Dancing a reçu un succès de folie quand c'est sorti. Je crois que c'est resté 18 semaines au top des charts et c'est tout simplement l'un des albums les plus vendus au monde. Je pense qu'on le doit pas mal quand même au fameux titre I've Had the Time of My Life. Qui a gagné l'Oscar de la meilleure chanson. Quand même. Donc voilà. C'est pas rien. Exactement. Et donc voilà, les titres sont inoubliables et sont fonctionnent sur tous les âges. Et c'est aussi un film qui est génial pour ça, c'est que ça réunit absolument toutes les générations. Même si c'est peut-être pas tout à fait un film pour les tout-petits. Mais j'ai l'impression que les enfants s'y mettent assez vite. Finalement, moi, la première fois que j'ai vu Dirty Dancing, j'avais 7 ans. Alors ça m'a pas touchée tout de suite à 7 ans, oui. Mais ma copine qui avait 7 ans aussi était déjà à fond. D'accord. Voilà. Eh ben justement, on parlait de Time of My Life, et donc effectivement, Dirty Dancing est un film oscarisé. Oui, monsieur. Bon, alors c'est pour la meilleure chanson, mais tout de même, ça reste un Oscar. Tom Cruise, par exemple, lui, il en a jamais eu. Donc on écoute Bill Medley et Jennifer Warnes avec The Time of My Life. Now I have the time of my life. No, I never felt like this before. Yes, I swear, it's a truth. And I owe it all to you. 'Cause I had the time of my life, and I owe it all to you. I've been waiting for so long, now I finally found someone to stand by me. We saw the writing on the wall as we felt this magical vanity. way before. Never felt yes, I swear way. It's the truth, and I hope it. C'était The Time of My Life et vous êtes bien dans Blockbuster sur France Inter et nous sommes toujours avec les journalistes et critiques Marion Miclet et Pauline Mallet ainsi qu'avec la fondatrice de l'écran pop Natasha Campana pour parler de Dirty Dancing tout en remuant le bassin dans un studio qui sent bon le gel bactéricide. Ah, Johnny, c'est moi qui suis responsable du dernier show de la saison. Faut que je te parle à propos de la dernière danse. J'aimerais bien innover un maximum. J'aime bien être en avance ouais. sur mon époque. Ouais. Oh bah alors c'est super, j'ai des milliards d'idées. Justement, on a bossé un maximum sur ces danses qui sont mélangées de rythmes afro-cubains et de danses modernes, ça fait... Waouh, doucement. Tu dérailles un peu là, non? Tu te souviens, il y a une danse qui s'appelle le mambo, hein? Ça va vous emboucher un coin, mais la dernière danse de l'année sera le pachanga. Génial. Oui, devant ce débordement d'enthousiasme, je me verrai bientôt dans l'obligation de commander, chercher pour l'année prochaine un nouveau responsable des danses qui soit plus coopératif. Non, j'ai besoin de travail. Très bien, ce sera pas le mambo, ce sera le pachanga. Excellente idée. On vient d'entendre l'ignoble Lonnie Price, gosse de riche, là, doublé en français par Jean-François Vléric. Alors, je tiens à le rappeler, moi j'aime bien les répondeurs parce que, en fait, j'aime bien vous entendre, vous auditeurs, ça me donne l'impression d'avoir des amis et une vie sociale. Donc, continuez à entretenir ce simulacre d'existence en téléphonant au 01 56 40 30 20. Merci d'avance. Nous sommes en ligne avec quelqu'un que les auditeurs de Par Jupiter connaissent très bien, Juliette Arnaud. Bonjour! Bonjour Frédéric. Alors Juliette, on le rappelle, hein, vous êtes autrice, chroniqueuse et surtout fan de Dirty Dancing. Qu'est-ce que ça vous évoque pour vous, Dirty Dancing? Ah bah 87, 14 ans. Ah bah voilà, voilà. Merci d'avoir appelé, c'était formidable Juliette. Et sinon les impressions, le ressenti, encore aujourd'hui, vous le regardez? Non, parce que j'ai plus 14 ans, figurez-vous Frédéric. Et bon, déjà, ça c'est embêtant, mais maintenant, avant, je trouvais que c'était, je me disais, ouais, cette fille, elle est comme moi, elle a les cheveux frisés. Et bon, en même temps, Patrick Swayze aussi. Et maintenant, je me dis, alors déjà, il y a deux trucs qui me choquent, c'est que elle, on dirait, elle est censée avoir 17 ans, on dirait qu'elle en a 12. Et Patrick Swayze, on dirait qu'il en a 50. Donc, à l'œil, maintenant, avec son état de femme adulte, je me dis, ouais, c'est pas terrible. Et après, le deuxième truc, c'est qu'il y a cette foutue phrase, nobody puts baby in a corner, qui est abominable parce que moi, j'ai l'impression que pour les filles de ma génération, on a grandi avec l'idée que tant qu'il n'y aurait pas un gars habillé en noir et qui fait des trucs sales, qui viendrait nous chercher, et ben on resterait dans notre coin. Vous n'êtes pas obligé d'en révéler autant hein, que ça, Juliette, voyons, qu'est-ce qui vous arrive? Comment? Vous n'êtes pas obligé d'en révéler autant que ça, Juliette, voyons, qu'est-ce qui vous arrive? Mais non, ça n'est pas moi, c'est la psyché d'une fille de 14 ans, vous voyez bien? Ouais, moi aussi j'appelle ça la psyché. Et sinon, justement, la question, on sait que c'est un film culte pour plein de gens, mais peut-on être une féministe convaincue, lire Virginie Despentes et être fan de Dirty Dancing? Bien sûr, il ne s'agit pas de renier ce qu'on a aimé. Et de toute façon, il y a encore des choses dans Dirty Dancing qui sont excessivement féministes. Par exemple, c'est un des rares films qui ne soit pas un pur drame où on traite de l'avortement. Où très clairement il y a une intrigue secondaire qui est autour, alors bon c'est pas Jennifer Grey qui avorte, mais c'est la sublime danseuse qui est la partenaire de danse et l'amie de Patrick Swayze qui avorte évidemment d'un connard, parce que ça c'est un petit peu, c'est un peu le truc de base, et je pense que si on voit pas ça, quand on a la chance de voir ça, justement quand on est une gamine, on apprend que l'avortement, ça existe, qu'on a de la chance de vivre à une époque où ça se pratique à l'hôpital et on n'est pas obligé de s'endetter et d'endetter ses futurs enfants pour le faire. Et voilà, donc non, oui, à plein d'aspects, c'est très féministe. Après, moi, je pense que dans le fond du fond, dans les idées que ça trimballe, non, c'est assez réactionnaire. C'est les deux, mon capitaine. Eh ben, écoutez, c'est une réponse qui me satisfait pleinement et qui coche absolument toutes les cases de cette émission. Merci beaucoup, Juliette Arnaud. Je vous en prie, au revoir Frédéric. Au revoir, bonnes vacances. Alors, on l'a entendu, effectivement, c'est un film qui parle, qui ose aborder, parler d'avortement. Et d'ailleurs, ça a même été un problème dans la manière de faire la publicité de ce film, parce que ils étaient soutenus par Clairasil, qui était une sorte de crème pour adolescents pour lutter contre l'acné. Et quand ils ont vu que le film parlait d'avortement, ils ont dit non, on peut plus vous soutenir, ou alors il faut ôter cette scène. Effectivement, et ça n'a pas forcément plu au distributeur qui s'appelle Vestron. Et heureusement, la scénariste Eleanor avait tout prévu, puisqu'effectivement, la scène d'avortement, c'est l'élément déclencheur de l'histoire. On ne peut pas avoir... si on supprime l'avortement, ça ne donne pas de raison à bébé de remplacer au pied levé la partenaire de danse de Johnny et donc de tomber amoureuse, etc. Donc, elle avait bien prévu son coup. Et puis vraiment, elle était... Elle avait un message politique. Hein. Ce film, vous en avez parlé au début, il y a un côté lutte de classe, etc. Il y a plein de choses, il y a plein d'éléments en pointillé sur l'Amérique de l'époque. Et effectivement, l'avortement qui était illégal à l'époque, voilà, pour beaucoup de jeunes femmes, elles se rendent compte que c'était une époque où leur film préféré, on n'avait pas cette liberté-là, où c'était quelque chose de dangereux, de secret, voilà. Pauline Mallet, on n'a pas parlé encore du casting de ce film, avec notamment Patrick Swayze, qui n'était pas le premier choix. Il y a eu plusieurs comédiens qui ont été approchés pour jouer le rôle de Johnny. Oui, tout à fait, parce qu'à l'époque, il n'avait fait que des seconds rôles et dans des films très peu connus. La société de production qui produisait le film voulait absolument, parce que déjà qu'elle n'avait pas un grand budget, des têtes d'affiche qui ramèneraient en fait le public. Et vous l'avez dit tout à l'heure, on a une époque des gros blockbusters où les grands acteurs font vendre énormément aux productions. Et... notamment deux acteurs ont été approchés, donc il y a eu Val Kilmer, il y a eu également Billy Zane, le méchant de Titanic exactement, qui plaisait beaucoup parce qu'il a cette gueule d'ange et il a même fait des essais. Malheureusement pour lui, ça n'a pas fonctionné, mais la scénariste avait elle depuis le début vu en Patrick Swayze un regard qui lui plaisait, puisque, comme on l'a dit tout à l'heure, elle a vraiment rapproché sa vie à ce scénario, et elle, dans son imagination, Johnny avait les yeux comme Patrick, et du côté des femmes, pareil, l'actrice n'était pas du tout connue à l'époque. Alors ce qui est marrant, c'est qu'ils avaient joué Patrick et elle dans un autre film. L'Aube rouge de John Milius. Tout à fait, où ils avaient tous les deux des rôles secondaires. Ils avaient fait faire des essais notamment à Sarah Jessica Parker. Sex in the City. Tout à fait, qui, pareil, en fait, a correspondé à l'idéal de la scénariste, puisqu'elle voulait absolument que l'actrice ait les cheveux bouclés comme elle à l'époque. Et en fait, au moment des essais, alors Billy Zane a fait des essais avec Sarah Jessica Parker, Patrick Swayze avec Sarah Jessica Parker, Jennifer Grey avec Billy Zane, et en fait, c'est quand les deux, donc Patrick Swayze et Jennifer Grey, ont fait les essais ensemble, que ça a vraiment fonctionné. Une alchimie s'est emparée d'eux, et ça a donné... le duo iconique que l'on connaît aujourd'hui. Alors, ce qui est fou, c'est que même si ça passait très très bien à l'écran, ils ne pouvaient pas se voir. Parce que Jennifer Grey, quand elle a su que Patrick Swayze faisait partie de la shortlist, est allée voir les producteurs en disant « Non, tout le monde, mais pas lui !» Pas lui, parce que ça s'est pas bien passé sur le précédent tournage et ça va encore pas bien se passer sur celui-ci. Donc il y avait aussi ce truc à prendre en ligne de compte, c'est-à-dire qu'ils ont passé un tournage où ils ont pas arrêté de se prendre la tête l'un avec l'autre en fait. Oui, apparemment c'était quand même assez horrible sur le tournage. Alors on le disait tout à l'heure, mais parfois on entend que c'est elle qui était difficile, d'autres fois ce serait lui qui serait difficile, mais en tout cas beaucoup d'anecdotes de tournage disent que entre eux c'était compliqué, qu'il fallait refaire les scènes plusieurs fois parce qu'il n'y avait pas les gestes ne correspondaient pas à l'amour qui naît entre eux, surtout que c'est une histoire d'amour qui naît par le corps et par Jennifer Grey ne savait pas danser, en plus il a fallu qu'elle apprenne. Ce qu'on voit en termes d'apprentissage dans le film, c'est vraiment ce qu'elle a vécu. C'est aussi ça qui a fait qu'elle a joué dedans, parce que cette innocence du point de vue de la danse a beaucoup plu, parce qu'au départ c'est quand même un personnage qui ne connaît pas la danse, qui sait faire quelques pas, mais il y a cette scène mythique où il se rend compte pour la première fois, où on la voit danser, et qui clairement n'a pas du tout de notion de danse, et c'est ça qui a convaincu aussi de la prendre. Et mais oui, effectivement, sur le tournage, il y a une anecdote qui ressort assez souvent, c'est lorsque il doit passer sa main sur son aisselle, apparemment elle arrêtait pas de rire, ça a beaucoup énervé Patrick Swayze, qui pensait qu'elle ne prenait pas son rôle assez au sérieux, contrairement à lui. Alors on va faire une petite pause musicale, on va écouter Le Noiseur avec Summer Slow 88. La chorégraphe de cette émission se nomme Céline Hila et elle a été préparée, cette émission, par celle qui rêve d'un remake de Dirty Dancing avec Benjamin Biolay et Léa Seydoux, Jeanne Paravert, mais aussi par Sarah Masson qui aime faire danser les mots sous une couverture. Enfin, Tom Malky, notre petit rat de l'opéra promis à un bel avenir, nous a aidés à faire tout cela. Summer Slow, en tête à tête, on tourne sur nous-mêmes. 45 tours minutes, c'est le disque qu'on aime. Dans ton cou la vanille, dans tes yeux l'océan, et ta bouche infinie, une voix off dans la nuit. T'es belle en super 8, t'es belle sur tous les plans. Tu veux du slow motion, je crois qu'on se comprend. À deux ou en trio, ça tourne dans nos têtes. On danse pas en solo, y'a comme un air de fête. Summer Slow 88, écoute ces rites. Summer Slow en mode repeat. Danse, danse, je t'invite. Summer Slow 88, tout va trop vite. Summer Slow, ton cœur palpite. Si tu me demandais, je ferais tout pour toi. J'irais à NY pour te ramener un grec. J'aurais plus jamais peur, non jamais d'être heureux. Et je te laisserai même me couper les cheveux. Je mangerai le chocolat, je te laisserai la fraise. Je dirai que ça va même quand je suis mal à l'aise. Je tuerai pour te plaire et j'irai en prison. Mais je m'évaderai ici comme un petit papillon. Summer Slow 88, écoute ces rites. Summer Slow en mode repeat. Danse, danse, je t'invite. Summer Slow 88, tout va. C'est le temps qui m'est donné. Trois couplets, trois refrains, c'est tout ce dont j'ai besoin. 81 BPM pour te dire combien je t'aime. Et l'on tourne et l'on tourne sur nous-mêmes. Plus ça tourne, plus ça tourne, plus je t'aime. Summer Slow 88, écoute. Écoute ce hit. Summer Slow en mode repeat. Danse, danse, je t'invite. Summer Slow 88. Tout va trop vite. Tout va trop vite. Summer Slow, ton cœur palpite. Summer Slow 88. Slow, double 8, fulgurance des sentiments sur tempo lent. T'appuies pas sur le premier temps, tu dois démarrer sur le 2. C'était Le Noiseur qui nous interprétait Summer Slow 88, une programmation musicale de Muriel Pérez, et aujourd'hui à la technique, on le remercie également, Kevin Pelot. Frédéric Sigrist. So far so good. Blockbuster. Sur France Inter. Alors Marion Miclet, on le disait pendant le morceau, Patrick Swayze, lui, c'était le contraire. C'est-à-dire qu'autant Jennifer Grey ne savait pas danser, autant Patrick Swayze, lui, savait danser, mais n'avait pas voulu le mettre sur son CV, parce qu'il voulait pas être cantonné à ça, parce que sa mère était prof de danse et donc lui avait enseigné pas mal de choses. Oui, il était très doué en danse, il avait grandi dans le Texas, et sa mère était une prof de danse réputée dans le Texas. Et en fait, il avait aussi une blessure au genou qui fait que sur son CV, le CV qu'il a présenté pour... Le casting de Dirty Dancing, il avait retiré son expérience de danseur. Et en fait, là, un autre coup de génie de ces deux femmes qui ont qui ont monté le projet Dirty Dancing, c'est que elles ont sélectionné le réalisateur Émile Ardolino, qui n'avait jamais fait de long métrage, mais qui avait gagné un Oscar pour un court métrage documentaire sur la danse à New York. Et en fait, il connaissait bien Patrick Swayze pour l'avoir vu dans ce milieu de la danse new-yorkaise, et il dit à la scénariste Eleanor, non, si tu flashes sur Patrick Swayze, il a cette expérience de danse. Et pour revenir un peu sur le fait qu'effectivement les deux acteurs marchaient très bien visuellement mais ne s'entendaient pas forcément, en fait c'est tout son talent aussi d'expérience de réalisateur de documentaire, d'intégrer des moments de vérité. Il laissait tourner la caméra et il a mis dans le film des moments qui voilà étaient la frustration ou peut-être l'irritation entre les deux acteurs, et ça rend quelque chose de réaliste et de plus vrai en fait. Alors j'aime beaucoup Dirty Dancing, mais bon, même moi, j'irais quand même pas jusqu'à dire que c'est un chef-d'œuvre du 7e art. Donc, quand Sarah Masson et Jeanne Paravert ont cherché une séquence troll, il suffisait de se baisser pour en trouver, car Dirty Dancing, vous imaginez bien qu'il y a des gens qui n'aiment pas. J'aime pas, j'aime pas, j'aime pas, j'aime pas, j'aime pas. Alors, Dirty Dancing. D'aucuns parmi nos confrères parlent, comme le dossier de presse d'ailleurs, de critique sociale à propos de ce film. C'est quand même un peu poussé. Et hein. Comment La niaiserie du film n'inspire pas des commentaires très étendus. Non, je crois que c'est une imposture, cette danse, parce que je crois pas du tout qu'on l'a dansé dans les années 60. C'est le énième film pour adolescents et éventuellement leurs parents, puisque la musique est celle des 60s. L'idée du film, c'est on dirait un roman photo un peu mièvre. Alors, il y a un peu de tout. Il y a la musique pour les adolescents, il y a aussi le petit couplet sur la danse, c'est difficile, on transpire beaucoup. Il y a Chorus Line qui fait ça mieux, à mon sens. Tout ça est d'un bébête assez horripilant et d'un moralisateur extraordinairement convenu. C'est un film totalement insignifiant. C'est cucu comme tout, voilà. Enfin bref, je sais pas, moi je comprends pas le succès, ça m'intéresse pas. J'aime pas, j'aime pas, j'aime pas. Et ben voilà, ça c'est fait. Alors on l'imagine bien, c'est vraiment le genre de film qui se prête à toutes les critiques faciles. Si on veut avoir l'air brillant et intelligent, c'est très facile de critiquer Dirty Dancing. Pourtant, force est de constater que le film est encore très très vivant dans tous les esprits. À chaque rediffusion, ça s'abat des records d'audience. Et il y a ces soirées que vous organisez, Natacha Campana. Et j'aimerais avoir votre point de vue sur ce que ces films musicaux, Mamma Mia, Flashdance et autres, véhiculent au grand public. Qu'est-ce qui se passe en fait? Qu'est-ce qui est si plaisant dans ces films-là? Alors, certainement une notion de Madeleine de Proust, finalement. Pour revenir sur l'intervention tout à l'heure de Juliette, c'est ça? Oui. Je suis pas d'accord avec elle quand elle dit qu'on le regardait quand on a 14 ans, puis après c'est fini, parce qu'en fait, alors pour le coup, pendant nos soirées, c'est tout le contraire. Au contraire, il y a beaucoup de femmes qui ont entre 30, 40, 50 ans qui viennent le voir. Mais en fait, pour moi, c'est valable pour tous les films cultes, parce que quelque part, quand on regarde un film culte qu'on a découvert quand on était enfant, eh bien, je sais pas si ça vous fait cet effet, mais moi, c'est comme si je redevenais enfant. Et finalement, le film n'a pas vieilli, mais moi non plus. Donc, c'est l'occasion, pendant 2 heures, d'avoir encore 10 ans ou 15 ans. Donc, en fait, c'est un bain de jouvence de regarder Dirty Dancing. Complètement. Je trouve, voilà. Et puis après, je sais pas, pour Dirty Dancing, moi je trouve que c'est un film qui est aussi très drôle finalement. Et par exemple, un des succès, un des éléments qui explique aussi le succès du film, en tout cas en France, parce qu'au départ en France c'était un flop, hein, dans les cinémas ça n'a pas fonctionné. C'est vraiment la multi-rediffusion en télé qui a fait que c'est devenu un film aussi culte. Mais un des éléments, c'est les dialogues qui sont complètement incroyables, complètement loufoques Qui n'ont rien à voir avec la VO. Qui n'ont rien à voir avec la VO. Là, c'est vraiment une singularité française. Oui, il y a notamment cette phrase culte, tu ne peux pas courir... Tu n'as pas besoin de courir après ton destin comme un cheval sauvage, qui à l'origine est... No, you don't have to be that way. Oui. It doesn't have to be that way, ou quelque chose comme ça. Ça n'a rien à voir. Non, mais à mon avis, c'est quelqu'un qui ne maîtrisait pas l'anglais et qui a brodé. C'est dit, ils s'en fait plaisir. Ouais, ils s'en fait plaisir. Mais et d'ailleurs, et aussi, c'est alors ça, cette phrase, elle était dans le scénario, mais la fameuse réplique sur on ne laisse pas bébé dans un coin. Il faut savoir que la scénariste ainsi que l'interprète de cette phrase, tout le monde, et détestait cette phrase. Marion Miclet. Et pourtant, elle est restée culte. Mais moi, ça me fait penser finalement au personnage central qui n'est pas un bébé. Et pour revenir à ce qui a été dit tout à l'heure sur le message féministe ou pas du film, en fait, je trouve quand même qu'on a vraiment un personnage féminin très fort. C'est-à-dire que oui, elle découvre sa sexualité, elle devient, donc elle passe d'une fille à une femme à travers ce mentor, ce prof de danse, cette histoire d'amour. Mais elle a déjà des convictions, des principes très forts. Quand on la rencontre, elle dit qu'elle veut s'engager dans les corps de la paix, qu'elle veut étudier l'économie des pays sous-développés, etc. Donc elle a vraiment des idéaux. Et ce qui est intéressant dans Dirty Dancing, c'est qu'elle les confronte en fait à la réalité. Et en côtoyant ce danseur qui est d'un autre milieu, d'une autre classe sociale, elle se rend compte que ce qu'on lui a appris, son éducation, finalement, c'est dans la théorie. Et là, elle a vraiment l'occasion de s'affirmer, de dire, elle le défend, de rendre sa relation avec lui publique, notamment cette confrontation avec son père. Elle est fille à papa. Oui, parce qu'elle se cache, elle cache la relation à son père parce qu'elle a peur du jugement de ce dernier. Effectivement, en fait, la danse dans le film, elle me représente bien les classes sociales. On a la danse qui est ok d'enseigner aux clients riches de ce camp de vacances. La danse d'exhibition, là, il y a un concours de danse que Johnny et Baby font ensemble. Et puis, effectivement, le Dirty Dancing. Et là, il y a un passage qui est construit entre ces danses et entre ces classes grâce à cette relation. Et elle l'affiche publiquement, elle a ce courage. Et lui aussi, qui est censé être un peu le bad boy, sûr de lui, etc., finalement, il dit aussi dans le film « Je suis un peu un moins que rien » et son courage à elle l'inspire lui. Donc moi, je trouve quand même que ça reste un film féministe et c'est bien que des jeunes femmes le voient, il y a plein d'aspects positifs dedans. Et alors, c'est assez intéressant parce que au sein même de l'équipe de Blockbuster, on a revu ce film pour préparer cette émission et les retours étaient beaucoup plus nuancés sur le personnage de Johnny qu'avant, c'est-à-dire que post-MeToo, dans l'équipe, t'as plein de gens qui disaient « Mais en fait, Johnny, c'est un relou, quoi. Il arrête pas de la casser, il est pas gentil, il est macho. » Est-ce que vous avez cette lecture-là aussi, à posteriori ? J'ai vu beaucoup de choses sur le fait que la différence d'âge, en fait, quand on lit une description du film, on dit souvent que le personnage principal a 17 ans, mais c'est jamais dit. Elle est jouée par une actrice de 27 ans, lui, il a 10 ans de plus qu'elle, Patrick Swayze, donc c'est un peu ambigu. Est-ce que il n'a pas dominé en fait par son expérience, son âge, etc. Moi, je pense que il s'équilibre bien tous les deux. Elle se laisse pas faire non plus. Et ok, il y a ce côté, il vient la sauver à la fin, la prendre sur scène, mais c'est en fait, il a quand même le fait qu'on disait qu'il a ce côté de danseur un peu félin, sensuel, etc. Il a aussi cette image de macho, mais avec des côtés peut-être plus doux qui font que son personnage est passé quand même si... C'est le bad boy au cœur tendre. Ouais. On ne laisse pas bébé dans un coin. Suis-moi. Désolé de vous interrompre, les copains. C'est moi qui ai toujours fait la dernière danse de la saison. Mais un petit connard me l'a interdit. Je vais vous montrer ce que c'est que danser avec une partenaire sublime. Et c'est pas seulement une danseuse extraordinaire. C'est aussi un être humain qui m'a appris qu'on peut défendre quelqu'un qu'on aime, quelles que soient les circonstances. Quelqu'un qui m'a appris à découvrir celui que j'étais vraiment. Mademoiselle Frédérique Hausmann. Now I have the time of my life. Though I never felt like this before. Yes, I swear it's a truth. And I owe it all. Pauline Mallet, on vient d'entendre dans l'extrait que il l'avoue finalement, Johnny. Il a été sauvé par Baby. Donc, vous en pensez quoi, vous, de cette lecture a posteriori du personnage de Johnny ? Moi, je trouve ça très intéressant. Plus jeune, j'aimais pas du tout Dirty Dancing parce que je trouvais que justement, il avait ce côté macho avec son blouson de cuir et ses lunettes. Et en fait, en le revoyant plus, donc à mon âge, c'est vraiment ce personnage qui va avouer que c'est elle finalement qui l'a sauvée. C'est comme tu le disais tout à l'heure, c'est on n'a pas l'habitude, surtout dans les années 80, d'avoir un personnage féminin qui assume ses convictions politiques, qui n'est certes pas du même milieu social qu'il est lui. Alors il y a un peu du coup cette domination sociale qui se fait entre eux, mais finalement. On passe quand même, et on parle beaucoup en ce moment du female gaze, par exemple, et le film s'ouvre sur sa voix off à elle, à travers son regard à elle. C'est elle qui va certes découvrir la danse par lui, mais lui, il va découvrir la vie par elle. Et c'est aussi une histoire d'émancipation qui passe également par la figure du père, donc par extension du patriarcat. Parce que bébé, c'est quand même un... disons un pseudo, un c'est peu, un surnom qui pèse un peu, hein. qui pèse énormément. Et d'ailleurs à la fin, lorsqu'il dit cette grande phrase là qu'on vient d'entendre, il l'appelle par son prénom, il ne dit plus bébé, il dit mademoiselle Francis, donc il dit vraiment son nom en Frédéric. Entier. Français. Oui, pardon, en français c'est Frédéric. Oui. Français, c'est Frédéric. Mais comme on est sur la VF, c'est pour ça. Oui, pardon. Mais en tout cas, il lâche le pseudo qui a toute une connotation de la fille à papa qui appartient à son papa. Et d'ailleurs, elle va oser quand même aller à l'encontre de son père. Il y a une phrase assez marquante lorsqu'elle va demander à son père l'argent pour l'avortement. Il va lui dire, j'espère que c'est pas quelque chose d'illégal. Et elle va lui dire non, alors que dans ces années-là, c'est illégal. Donc elle s'oppose finalement à la décision de son père. Il y a une scène où elle lui dit que certes, elle l'a déçu, mais lui aussi l'a déçu, parce que tout ce qu'il lui a appris, eh ben finalement, c'est que du vent. Lui veut rester entre les gens riches, entre les gens de son milieu, et les gens qui n'appartiennent pas à son milieu, il les rejette. Et je trouve ça très intéressant. Alors oui, est-ce que... Enfin, de toute façon, tout est à nuancer. On n'est pas non plus en train de dire que c'est le film le plus féministe qui existe, mais en tout cas, c'est très intéressant d'avoir cette relecture aujourd'hui. Je pense aussi que c'est ça qui fera perdurer le culte autour du film, c'est de pouvoir d'admettre qu'il y a une vision, une part féministe en Dirty Dancing. Et alors, il y a quelque chose dont on n'a pas encore parlé, qui est la musique. Alors que c'est quand même l'élément central de Dirty Dancing. Il y a évidemment les chorégraphies d'Ortega, mais il y a aussi la musique, parce que le budget, il était tout petit, donc ça, en droit d'auteur, ça a sucré la quasi-totalité, en fait. Marion Miclet. La scénariste avait en fait écrit le film avec une bande-son déjà. Elle avait des musiques vintage qu'elle voulait absolument intégrer dans le film. Et donc, elle s'est battue vraiment pour qu'une partie du budget aille vers ses musiques donc des années plutôt 50 de son adolescence à elle. Et ensuite, il y avait effectivement des créations originales. Et on peut aussi parler du fait que Patrick Swayze chante Dirty Dancing. Mais oui. Voilà. Mais oui. Et c'est vrai, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. L'album, la bande originale a eu un succès incroyable. Et en fait... Non seulement le film a bénéficié d'un bouche à oreille incroyable, c'est-à-dire qu'il a eu un démarrage un peu moyen, mais qui ensuite il s'est hissé vraiment en tête du box-office par le bouche à oreille, mais aussi par le fait de se repasser la musique. Et encore aujourd'hui, peut-être une autre raison du succès de Dirty Dancing, c'est le fait que ça, si on aime le film bien sûr, je pense que ça nous fait vraiment vibrer, ça nous fait redevenir adolescent. Et quand on est adolescent, la musique qu'on écoute adolescent, c'est la musique qu'on n'oublie jamais, c'est quelque chose qui nous traverse, qui, voilà, on est un peu à fleur de peau. Et je pense que quand on découvre Dirty Dancing adolescent, il y a cet effet de musique aussi qui reste en nous. Une musique doudou qui restera en nous pour, ouais. Pour toujours. Et alors, Jennifer Grey avait marqué les esprits dans un autre film, La folle journée de Ferris Bueller. Elle a joué dans ce film, qui est donc un film culte, mais ensuite on l'a vu disparaître. Et comment on explique ça? J'ai lu quelque part que c'était suite à l'opération de son nez, une rhinoplastie qui s'est mal passée, elle a été obligée d'en faire une deuxième, et du coup elle était méconnaissable, et elle a perdu ce que certains producteurs lui reprochaient, c'est-à-dire ce visage un peu plus particulier. C'est vrai que... Pauline Mallet. La scénariste avait choisi entre autres Jennifer Grey parce qu'elle avait ce look un peu commun. En tout cas, c'était pas donc à Après, chacun ses goûts. Mais de son point de vue, c'était pas la bombe qui tombe amoureuse. C'est la girl next door. Voilà, oui. Exactement. Et elle pouvait correspondre à un peu tous les rêves, tous les rêves des jeunes filles de tomber amoureuse du beau garçon et que ce beau garçon, même si on a un physique un peu lambda, s'intéresse à nous. Et effectivement. Moi, je la trouvais très jolie. Oui, bien sûr, mais c'est vrai que à une s'identifier plus ouais, facile. On s'identifiait plus facilement parce que voilà, elle avait potentiellement ce nez disgracieux, même si encore une fois, elle était très jolie et très, enfin voilà. C'est peut-être un peu justement pour faire un mauvais jeu de mots, le pied de nez féministe de Dirty Dancing, c'est qu'elle a transformé son apparence. On sait pas exactement pourquoi, elle dit qu'elle l'a regretté après, et alors que c'est quand même l'histoire de Johnny qui tombe amoureux de cette femme pour sa beauté intérieure. Mmh. Et donc c'est vrai que potentiellement ça a un peu abîmé la suite de sa carrière. Oui, parce que c'est vrai que on entend beaucoup, enfin en tout cas quand on se renseigne sur le sujet, que ce n'est pas en adéquation avec son personnage à elle, et que c'est ça finalement qui a retiré l'intérêt du public pour elle. Comme si ça avait trahi finalement. Mmh. Alors dans quelques instants, c'est le jeu, mais là tout de suite maintenant, c'est un moment musical avec Buscabula, avec NTE. Alors cherchez pas, je ne sais absolument pas ce que ça signifie. Tu peux retourner jouer à la poupée, bébé. C'était Buscabula avec NTE et maintenant on joue. Attention, qui que vous soyez, attention. Blockbuster. Cette fréquence est exclusivement réservée aux urgences. Frédéric Sigrist. Sans blague. Et vous croyez que j'appelle pour commander une pizza? Sur France Inter. Et aujourd'hui, on a Laurie Gandon au téléphone. Bonjour Laurie. Bonjour. Alors, est-ce qu'on a affaire à une fan de Dirty Dancing? Alors, moi, c'est un peu comme votre invité. Moi, quand je n'aimais pas du tout Dirty Dancing avant. Et puis j'ai revu à 30 ans, et puis en fait j'ai complètement changé ma lecture du film, et c'est vrai qu'à travers l'évolution de bébé, à travers le prisme de la danse, le discours de classe aussi en fond, c'est vrai qu'aujourd'hui je le vois vraiment différemment, et je trouve que c'est un film qui est quand même assez intéressant. Voilà, c'est pas parfait. Non plus, hein, comme ça a été dit, mais voilà. Mais parfait. Et surtout les musiques. Voilà. Parfait. Est-ce que vous connaissez le principe du jeu ? Oui, bien sûr. Voilà, je le rappelle rapidement. Je pose une question, 20 secondes pour répondre. Et si jamais vous n'avez pas la réponse, il n'y a pas de souci. Vous pouvez faire appel à un joker autour de la table qui répondra à votre place. Alors, super. Première question. Quelle était l'autre actrice pressentie pour jouer le rôle de Baby dans Dirty Dancing ? Sarah Jessica Parker. Bonne réponse. Question suivante. À combien s'élève le budget initial de Dirty Dancing ? Alors, il y a trois choix. 5 millions de dollars, 7 millions de dollars ou 9 millions de dollars ? 5 millions. Bonne réponse ! Attention, la troisième, elle est un peu plus corsée. Quel est le prénom du personnage que vous allez entendre ? Non, j'aurais dû apporter mes chaussons de danse rose, tu sais bien que je vais devenir une championne. Oui, c'est pas grave, tu en as amené 23 paires. Mais ce sont les seules qui vont avec ma robe. Alors c'est Lisa, la sœur de bébé. Oh là là, pour quelqu'un qui aimait pas trop Dirty Dancing, là on se disait sur ça a changé. Et ben bonne réponse. Vous avez gagné le livre de Mario Miclet, Découvrir New York en série Paris aux éditions Huguin et Munin, et également un exemplaire du jeu de société Blockbuster qui sortira au mois d'octobre, un partenariat des éditions Radio France et Marabout. Super, ben, merci beaucoup. Mais merci à vous, merci. Au revoir. Alors, on s'approche de la fin de cette émission. On parle d'une comédie romantique depuis le début. Est-ce que vous auriez un conseil pour les auditeurs d'une autre comédie romantique, peut-être plus récente, qui pourrait intéresser les gens durant cet été ? C'est Mario Miclet ? Oui, moi j'ai envie de parler d'une série en fait, puisque je suis aussi spécialiste série, et c'est The Marvelous Mrs. Maisel, oui. Qui se passe dans les années 50, dans une famille juive de New York, et je crois que c'est dans la saison 2, ils vont en vacances dans l'équivalent du camp Kellerman, donc dans les Catskills, les montagnes au nord de l'État de New York. Et on retrouve vraiment l'ambiance de Dirty Dancing avec les spectacles donc organisés pour plusieurs générations, etc. Il n'y a pas de la danse, mais il y a des jeux improbables, etc. Donc voilà, c'est replonger dans l'univers de Dirty Dancing. Pauline Mallet. Moi, ça va pas être comédie, mais ça va être romantique, et c'est certainement un choix que, enfin, tout le monde a vu, mais ce serait Titanic. Pour beaucoup de raisons qu'on a déjà citées, c'est la classe sociale, la lutte des classes sociales. Tu parlais tout à l'heure des niveaux de danse avec le niveau de classe sociale. C'est la même chose en fait sur le bateau du Titanic. D'ailleurs, il y a une sublime scène de danse où Jack et Rose dansent ensemble et découvrent une part de leur sensualité ensemble. Donc évidemment, si vous n'avez toujours pas vu Titanic, je pense que vous pouvez désormais le voir. Natacha Campana ? Alors moi, j'adore les comédies romantiques, donc en choisir une, c'est très difficile. Donc je vais plutôt vous dire la dernière que j'ai vue, c'est Last Christmas avec Emilia Clarke. Et voilà, c'est une comédie romantique qui se passe à Londres, toujours sur fond musical avec les musiques de George Michael. Ça se passe à Noël, j'adore ça. Enfin voilà, j'aime l'atmosphère. Merci à vous toutes. Merci Marion Miclet, Pauline Mallet et Natacha Campana. Comme toujours, si vous le désirez, vous pouvez nous laisser un message au 01 56 40 30 20 ou sur la page Facebook de l'émission et également Twitter avec le hashtag Blockbuster EFI. C'est quoi ton vrai nom, bébé ? Frédéric. Frédéric, ça peut être aussi le nom d'un mec. Frédéric. Pour moi, c'est le nom d'une vraie femme. Et on se retrouve demain pour parler d'une chanteuse au spleen proportionnel à son succès, Mylène Farmer. Mais pour le moment, on retrouve Anna Sigalevitch avec le Mac de l'été.